and I desist. Dans mon bar, on tisse l'ami. Emblématique record, c'est l'équipe. Ouais, qui t'emmène à l'envers, laisse mon talent faire. Parce qu'on aime l'oseille et les gros fers. Charbonne en V6, ouais. Pour mieux vous la faire, c'est pas l'état qui va me se renchérir. Remplir mon compte en banque en 2009, ça critique dur. Ouais, les MC sont en manque, du tas de cheap. Puis qu'elle est niquée sa mère. J'rabis, j'mesure l'avance de rien avant. Laisse une place, on mène l'affaire. T'inquiète pas trop cher. Les entrées, les sorties et les trompées. Mais sur ma tête que les grands frères, ils en ont trompé. La France, on est en train de boire. Présente la France en bas, quoi qu'ils disent dans les JT. On vous pètera, boys. Tico boy à la place des armes, j'entendrai des sextoys. Y'a ces pistes de pute qui veulent jouer les poulettes dans l'attitude. T'inquiète, ça devient une habitude. Contre moi, ils resteront des losers assidus. La France en bas, qu'on vient représenter. Assommé, critiqué, on fout la merde sur l'Elysée. Emblématique dans tous les cas, lâchera pas le sec. Accroche-toi bien si tu comptes pour la faire. On gère la mise, on gère notre son, tu connais la musique. Quand ça fait en bas, sur toi que c'est dans le pays. On est là, vous pouvez pas le cacher, encore moins le relier. On est du nom, on est la force, non, on vient poser. On est du nom, c'est tous ces cas qu'on verra tout péter. On va remettre de l'ordre, des billets, tous vos clichés. Vite à ce président qu'on veut sa mort. La politique va nous embobiner. T'es la casse, t'es rembobiné. C'est NAS, tu reconnais. Hein, tu reconnais ou quoi? Aïe, aïe, aïe. J'arrive de force, 20 degrés ou d'attestation. En tout second degré, sans y mettre d'affirmation. Et ça jalouse, on s'en fout, nous on avance, ils disent de la merde, ouais. Mais c'est normal, c'est ce qu'ils se veulent, boycott. Pas qu'ils s'accrochent, ils perdent leur temps, moi je reste côté. Et non sur le côté, on peut me stopper. Mais c'est pas grave, j'avance à tout à l'heure. Sur les périphes, la gloire, je me tape la fraîcheur. Et le cul de ma gloire, ça va comme des caniches, je mériterai des tout canifs. Je suis lancé, pas prêt d'y remédier, sinon j'attaquerai comme un pit. Pendant que cette pute, elle veut ma pute, elle veut me marquer. T'as des qu'elle remballe, elle et ses chromosomes dans sa autre atmosphère. Pas prêt de sortir de la sphère, les sentiments sont marqués comme plus bas que chaque cours. Vas-y, cours, ma petite, tu crois toujours au grand âme. Moi je fais que du cupido qui veulent me faire la cour. Car tu risques de but, j'ai connexion. Et la désestie, ça fait trop mal, wood boy. J'attaque dans tous les styles comme un pit sur la tête de ton enfant. Tu me dis trop petit, t'en as la bouche blanche. C'est pour mes ghettos, you qui tire pas à balle blanche. Par la cause du réel, moi qui fout en l'air tes plans. T'as plus qu'à trouver une planque si tu veux sortir vivant. Ratatatata, et c'est l'attaque des morts du blanc. Ta vie en voiture rouge sponsorisée par le sang. Le seum assume, je vois le beat à chaque mesure que je consume. Si tu testes, tu finiras pantin noyé dans mon flot de lutte. Et ma plus festive. Ok, du budget, connexion freestyle. Qui t'a dit que le but on gérait pas? Qui t'a dit? Emblématique, record. Bienvenue au cœur du riz, volume 1.